chanson qui s'appelle L'enfant maquillé. Ah. Qui est un titre dont le texte a été fait par un poète qui s'appelle Bernard Dimet. Ok. Voilà. Voilà. Donc je baisse la musique cette fois-ci et c'est à vous. Je suis l'enfant dressé sur les places publiques, maquillé par le temps, j'ai 5 siècles et demi, je connais de la vie, paroles et musique, je fais peur quelquefois, mais j'ai beaucoup d'amis, je joue du tambourin pour les anniversaires de ces dieux moribonds. Tournant au gré des vents, que sont l'orgueil, la peur ou le désir de plaire. Vieillard lâche est venu d'avoir peur des enfants. L'enfant maquillé, l'enfant maquillé, l'enfant maquillé, je suis l'enfant maquillé. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de patrie, je parle avec les mains pour quelques initiés, et je sais travestir ma sagesse en folie pour faire peur aux notaires, aux prêtres, aux épiciers. Je suis né, j'en ai peur, dans une cathédrale, à deux pas d'un bordel et d'un bain de vapeur. Ne vous méprenez pas. J'aime les scandales, je suis de ces enfants dont il faut avoir peur. L'enfant maquillé, l'enfant maquillé, l'enfant maquillé, je suis l'enfant maquillé. Un enfant qui ressemble à vos rêves imprécis, ce que vous oubliez à l'instant du réveil. Je n'ai pas pour mission de vous laisser tranquille, archange déguisé ou diable, c'est pareil. Que ça vous plaise ou non, je suis de votre époque, un enfant maquillé qui a beaucoup vécu, et je laisse en partant mon rire, ma défroque. Je suis l'enfant trouvé. L'enfant maquillé, l'enfant maquillé, l'enfant maquillé, je suis l'enfant maquillé. Direct, hein, on... Ouais, tout à fait, ouais. Ah ouais. Donne-moi de l'amour, je te donne ma haine. Donne-moi ta joie, je te donne ma peine. Donne-moi une lame bien aiguisée pour mieux te planter, pour mieux t'aimer. Donne-moi un coup de couteau dans le dos et je mettrai le feu si tu prends l'eau. Donne-moi du noir si je veux du blanc. Donne-moi ta femme, je serai son amant. Alors arrête ton cinéma et chante avec moi cet air-là. Tu veux vraiment crever l'écran, tu mets les petits plats dans les grands. Je sens monter l'adrénaline, toi et moi c'est la grande cuisine. T'aimes mon ennemi, uni. Je t'aime mon ennemi. Donne-moi le passé quand je veux le futur. Donne-moi un accident de voiture à la carte ou à volonté. Donne-moi le diable pour que je me brûle. Donne-moi un accident de voiture à la carte ou à volonté. L'addition, tu vas la payer. Uni, je t'aime mon ennemi. Uni, je t'aime mon ennemi. Cinéma et chante avec moi cet air-là. Au fond, y'a que l'amitié qui compte, même si chacun refait ses comptes. Et si un jour tu m'assassines, je me souviendrai de la grande cuisine. Uni, je t'aime mon ennemi. J'aime mon ennemi. Uni, je t'aime mon ennemi. Uni, je t'aime mon ennemi. Je t'aime ma haine. Je t'aime mon ennemi. Notre toute première chanson qui date d'il y a très longtemps. D'accord, c'est parti. Cinq heures du mat, tout est fini. C'est le moment du bilan. Cinq heures du mat, tout enfilé. J'ai besoin d'une renaissance. Il est temps de s'arrêter. Grand temps même d'annihiler. Nos chances de finir intactes, nos chances de finir intactes. Wow, wow. 5h du mat, je n'ai même plus soif. Qui veux-tu que l'on aille voir? 5h du mat, je n'ai pas dormi. Vas-y Paris, éveille-toi. Il est temps de s'arrêter. Grand temps de se questionner sur mon avenir si propice, sur notre avenir si intact. Wow, wow. Si la nuit pouvait continuer, tous mes rêves pourraient perdurer et me faire oublier. Ça commence bien, Mavrika à la radio. Il est temps de s'arrêter, grand temps même d'annihiler. Nos chances de finir intactes, nos chances de finir intactes. Wow, wow, intactes. Wow. Yeah, bravo. Voilà, en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe La Jarrie.